Ashrat al-Sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps, qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. On continue avec les signes de la fin des temps. Et la semaine dernière, on a parlé du rétrécissement du temps et on a parlé aussi du rapprochement des marchés, al-aswaq. Et on avait cité ici et on avait rappelé ici les paroles de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Où il disait que Internet et les moyens de radiodiffusion comme la téléphonie, etc., ceci faisait partie des signes de la fin des temps. Et donc ici, quand on ne savait pas les utiliser comme il se devait, valait mieux s'en écarter. Et aujourd'hui, bihawlillahi azza wa jal, on va voir un autre signe qui fait partie des signes de la fin des temps. Rawahu al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala rasulullahi alayhi salatu wa salam min ashrati sa'a. Ce qui fait partie des signes de la fin des temps, yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit ça, on en a déjà parlé. Il y aura le rétrécissement du temps, comme on l'a dit lors des deux derniers cours, c'est-à-dire l'année passera comme un mois, le mois passera comme un jumu'a, c'est-à-dire comme une semaine, la semaine passera comme un jour, la journée passera comme une heure et l'heure passera comme le temps qu'il faut à une feuille de palmier de brûler. Et ici, le prophète alayhi salatu wasalam, il dit que ce qui fait partie des signes de la fin des temps, wayan qusul amal. Ici, il y aura la diminution d'action. Il y aura des gens qui parleront certes, même de religion, walakin les actions se feront minimes, ou se feront de plus en plus, ou alors seront très diminuées, par rapport aux paroles qui seront apportées par les gens. Que ce soit des prédicateurs, imams, des gens, et en général, les gens certes parleront, mais agiront peu. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضى يا حملة العلم اعملوا به فإن العالم من علم ثم عمل. Ali رضي الله عنه وأرضى avait certes compris cela quand il disait à son époque, ô vous détenteurs de la science, mettez-la en application, à appliquer cette science, car le savant c'est celui qui apprend et qui met en application ce qu'il a appris. Hada huwa al-alim. Ça c'est le savant. Ça c'est celui qui a bien compris cette religion. Ya hamalat al-ilm i'malu bi. Ô vous qui possédez, qui détenez la science, mettez-la en application. Appliquez cette science. Fa innal alima, le savant, c'est celui qui a appris et qui a mis en application cette science. Donc la diminution d'action, ceci fait partie des signes de la fin des temps. Et dans le même hadith, le prophète alayhi salatu wasalam ensuite a dit wa yulqa ash-shuh. Et on va en parler, bi hawlillahi azza wa jalla. C'est-à-dire ici, il y aura l'avarice si on veut. Walakin on peut appeler plutôt ash-shuh ici l'avidité, d'accord, ou quelqu'un de cupide. Mais on le verra bi idnillah un peu plus loin inshallah ta'ala. Donc ici, le prophète alayhi salatu wasalam a dit yanqusu al-amal. Donc ça fait partie des signes de la fin des temps. Et ici Ali, radiyallahu anhu arda, a mis en garde sur le fait d'apprendre et de ne pas appliquer. Allah azza wa jal a mis en garde sur le fait de parler et de ne pas assumer ce qu'on dit, de ne pas mettre en application les bonnes recommandations qu'on dit. Ça ne suffit pas ici de faire ce qu'on appelle al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ici d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Mais encore faut être sincère et appliquer ce qu'on dit. Ah, il y a les trois choses qui nous intéresse ici. C'est d'être sincère, d'apprendre et de comprendre et de mettre en application ce qu'on dit. Et après, il faut patienter. Parce que les épreuves, bien sûr, viendront automatiquement si tu es sincère, si tu as compris et mis en application ce que tu as transmis. Les épreuves viendront. Donc ici, ça ne suffit pas de dire, moi j'ordonne le bien, j'interdis le blâmable. Voilà, Kin. Allez où ton intention et allez où l'application. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, souvent, dans le Coran al-Karim, ici, il ne sépare pas de l'Iman, de quoi? De l'action. Ya ayyuhalladhina amanu wa aminu salihat. Oh vous qui avez cru à Ahlul Iman et qui accomplit, oh vous qui accomplissez les œuvres salutaires. Wal asr, innal insana lafi khusr, les hommes sont certes voués à perdition, Allah y joue par le temps, illal ladina amanu wa amilus salihat, sauf ceux qui ont cru, qui ont l'iman et qui accomplissent les œuvres salutaires. Donc la foi et les actions, la foi et les actions, la foi et les actions. Allah nous rappelle que quoi? Tu dois concrétiser ta croyance par les actions. Sinon, tu risquerais d'être encadré par les versets coraniques où Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, wa ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, at'amuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ordonnez-vous aux gens de faire le bien alors que vous vous oubliez vous-même, vous oubliez votre propre personne, et en plus de cela vous lisez le livre. Est-ce que vous raisonnez? Allah le dit dans le Coran al-Karim. Donc il met en garde le fait d'ordonner le bien et de s'oublier soi-même. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oh vous qui avez cru, qui dites des choses, regardez, que vous ne faites pas. Donc regardez combien de fois Allah met en garde sur le fait de parler et de ne pas assumer ici ses paroles, ses recommandations, le bien qu'on est en train de transmettre. Et pourquoi pas, alors que le prophète alayhi salatu wa salam a dit que ça fait partie de quoi? Voyant qu'on amal. Ah, les actions ici vont se faire rares. L'œuvre diminuera. Hada min ashrati sa'a. Et c'est ce qu'on voit chez beaucoup de gens, et personne est à l'abri de cela, et même moi le premier, et c'est pour ça que Fawar bil Ka'ba, c'est une recommandation pour moi le premier. Donc ici, il faut prendre en considération que le fait de parler beaucoup et d'appliquer peu, ceci fait partie des signes de la fin des temps. Et si on fait partie de ces gens-là, on vit un signe de la fin des temps. Wayan qusul amal. Donc attention de ne pas appliquer ce que tu dis. Et je ne dis pas que dès que tu parles, tu dois appliquer à la lettre. Sinon on serait parfait. On a tous ici des déficiences. On fait tous des erreurs. Personne n'est infaillible d'entre nous. Walakin, il ne faut pas rentrer dans l'excès. Mon frère, fais ta prière à l'heure. Il ne fait jamais sa prière à l'heure. Mon frère, ne fais pas de médisance. Il médit toujours. Mon frère, donne des aumônes. Il donne jamais d'aumônes. Là, c'est de l'exagération. C'est comme si on disait, Ya Rab, moi, je cache une chose aux gens et à toi. Yukhadi'un Allah. Walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ils essaient de tromper Allah Azza wa Jalla et ceux qui ont cru, mais ils le trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent même pas compte. Allah Azza wa Jalla sait ce qu'il y a dans ton cœur. Ne ruse pas avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et sois sincère, car Allah Azza wa Jalla te scandalisera. Et quand tu parles et tu mens, sache que sûrement Allah Subhanahu wa Ta'ala t'éprouvera dans ce que tu dis. Sache qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala sûrement il t'éprouvera dans ce que tu as dit, alors que tu mentais quand tu disais cette chose-là, wal'iyadu billah. Parce qu'Allah te scandalisera, ya Abdallah, fi dunya avant al-akhir. Dans cette vie d'ici-bas, avant le delà. Allah a mis en garde sur le fait de parler, de ne pas assumer. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a rappelé que ça fait partie d'un signe, ou des signes de la fin des temps, et le prophète met en garde aussi, sur le fait de parler et de ne pas assumer ce qu'on dit. Wayam qusul amal. Rapporté par al-Bukhari wa Muslim, le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, on jettera un homme fi nar. Finna, en enfer, dans le feu. Qu'est-ce qu'a fait cet homme-là? On le jettera dans le feu de l'enfer. Et ses intestins sortiront, ou ses entrailles sortiront de son ventre. Les entrailles sortiront de son ventre. Et ici, il tournera sur lui-même. Donc, les entrailles sortent du ventre, et lui, il tourne sur lui-même. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, comme tourne l'âne, ici comme tourne l'âne autour ici d'une meule. Comme tourne l'âne autour d'une meule. Wal'iyadu billah. Les gens diront, mais ce n'est pas toi qui nous ordonnais de faire le bien et nous interdisais al-munkar, le blâmable, les choses mauvaises, détestées par Allah et à son messager. Et il dira, si, j'ordonnais le bien, voilà qu'il ne le faisait pas. Et j'interdisais le mal, voilà qu'il ne faisait le mal. Cette personne-là, c'était un prédicateur. D'elle. Donc de façon apparente, les gens pouvaient dire que du bien de lui. Il ordonnait le mal, il leur donnait le bien, il interdisait Al-Munkar. Allah a dit dans le Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, le blâmable, et vous croyez en Allah Azza wa Jal. Cet homme faisait cela. Walakin avec cela, il est en enfer. Allah dit dans le Coran, wa taqum minkum umma yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah il dit cela, cela ce sont ceux qui vont réussir. Al-muflihun, ceux qui vont réussir. Que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien. Al-Khayr, qui ordonne le convenable, qui interdit le blâmable. Ceux-là, ce sont ceux qui vont réussir. Mais pourtant, ils en enfer. Pourquoi? Ils n'étaient pas sincères, ou bien, le moins qu'on puisse dire, ils n'assumaient pas ce qu'ils disaient. En enfer, et ici, ses intestins ou ses entrailles sortiront de son ventre, et il tournera sur lui-même, wal-iyadu billah, devant les habitants de l'enfer qui diront, mais toi, tu as ordonné le bien, toi, tu as interdisé le mal. Et regarde sa situation, il y a Abdallah, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain. Donc ce n'est pas un jeu. Ici, le fait de parler et de s'éloigner de l'application. Donc ça, c'est une recommandation que je donne à moi le premier, ainsi qu'à mes frères et sœurs que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Abu Darda, rahimahullahu ta'ala, regardez la parole qu'il disait, malheur une fois, regardez Abu Darda, qu'est-ce qu'il disait, malheur une fois à celui, d'accord, à celui qui ne cherche pas à s'instruire. À celui qui ne cherche pas à s'instruire. Malheur à lui une fois. Et il disait, malheur sept fois. Malheur sept fois. Ce n'est pas une parole du prophète alayhi salatu wasallam, mais de Abu Darda, qui faisait partie des plus grands des compagnons, radiyallahu anhu wa ardhahum. Malheur sept fois à celui qui est instruit et qui n'applique pas ce qu'il a appris. Malheur sept fois. Pourtant, le premier n'a pas appris. Bien qu'on sait que celui qui a appris est meilleur que celui qui n'apprend pas. Walakin, celui qui apprend et qui n'applique pas, ici, il est dans une situation, dans certains cas, plus grave que celui qui n'a pas appris. Pourquoi? Parce que dans certains cas, l'ignorant, il peut être pardonné. Je dis pas dans tous les cas, attention. Dans certains cas. Mais celui qui sait, ce n'est pas pareil. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wasallam, ne réagissait pas pareil avec tous les compagnons, radiyallahu anhu wa ardahum. Comme Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu arda, il n'a pas réagi avec lui de la même manière que d'autres compagnons qui n'ont pas participé à la bataille de Tabouk. Certains gens de science, ils ont dit pourquoi? Parce que Ka'b, il avait un niveau au-dessus des autres. Donc ici, il n'avait pas les mêmes excuses que les autres personnes. Car le prophète alayhi salam, on sait dans la sira du prophète alayhi salam, comme on l'a vu dans les détails, il agissait avec plus de compassion, plus de douceur. Ici, avec les nouveaux, al-judud fi din, que avec ici les anciens. Clair? Donc ici, ce n'est pas pareil quand tu es ancien, quand tu connais, quand tu as de la science, et tu tombes dans un péché clair, évident, que celui qui ne connaît pas. Ce n'est pas pareil. D'accord? Donc ici, c'est pour ça qu'Abu Darda a dit ces paroles-là, et ça nous remet encore en question sur le fait que, quelquefois, innama rahimallah, on parle plus que ce qu'on applique. Et c'est pour ça, Salaf, radiyallahu anhu wa ardam, il disait, ici, nous, ou à une certaine époque, les gens parlaient, ou les gens de science disaient à une certaine époque, les gens parlaient peu, ils appliquaient, ou ils agissaient beaucoup. D'accord? Ils mettaient beaucoup de choses en application, beaucoup d'ibadat, d'actes d'adoration. Tandis que, ici, l'ignorant, ou celui qui ressemble à l'hypocrite dans une version, dans un affaire, c'est celui qui quoi? Il parle beaucoup, mais il agit peu, wal'iyadu billah. Donc, nous, ce qui nous est demandé, c'est de parler, mais d'agir aussi. Et c'est pour ça, dans un hadith, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est un hadith rapporté par At-Tabarani et d'autres, il dit, celui qui enseigne aux gens le bien et qui ne met pas en application ce qu'il enseigne est comparable à un flambeau ou à une lanterne qui éclaire les gens mais qui se consume. Elle éclaire les gens, masha'Allah, non, al-ilm, non, voilà qu'il lui est. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. Ah, il s'est oublié lui-même. Il n'applique pas ce qu'il dit. Il est tel un flambeau, bien une lanterne qui éclaire les gens, mais qui lui-même se consume. وَالْعِيَّذُ بِاللَّهِ. Qu'Allah nous accorde sincérité et véracité à travers nos paroles et nos actes. إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمن. On en a parlé. وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ. On en a parlé. Les œuvres diminueront. Ensuite, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit وَيُلْقَى الشُّحُّ. C'est-à-dire, l'avarice va se propager. Mais ce n'est pas réellement l'avarice. Je vous ai dit, c'est plus de l'avidité ou alors quelqu'un de cupide. On va le voir dans les détails. Bihawlillah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de al-shuh dans le Coran et il parle de al-bukhl. Ma huwa al-farq bayn al-bakhil wa al-shahih. C'est quoi la différence entre l'avare et la personne qui est avide ou cupide? On va le voir dans les détails bihawlillah Azza wa Jal dans quelques instants. Al-bakhil, d'accord, c'est alladhi bakhila bima inda. Awalan, c'est celui qui va agir avec avarice. D'accord? C'est une personne avare. Wal'iyadu billah. Donc tout le monde connaît et tout le monde sait ce qu'est l'avarice. Une personne, si on veut, en utilisant des termes connus par un peu tous et toutes, quelqu'un de radin. On continue plus loin avec certains termes. Quelqu'un qui a dans ses poches quoi? Et ça, l'avare, il a quoi dans ses poches? Des pinces. Des pinces, inchallah. Il a des pinces dans les poches. D'accord? C'est quelqu'un qui a du mal à sortir de l'argent. Ça, c'est al-bakhil. Qala al-ulama, c'est une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des biens. D'accord? On sait que Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais vous éprouver à bi-sharri wal-khayri fitna. Avec le mal et le bien, petite tentation. Le mal qui t'arrive, c'est une épreuve. Ibtila. Et le bien qui t'arrive, des enfants, de l'argent, c'est une épreuve. Toute notre vie, c'est une vie d'épreuve. C'est une vie d'épreuve. Que tu sois dans le mal ou dans le bien, tu es éprouvé. Et certains gens de science disent la plus grande épreuve, des épreuves, c'est l'épreuve dans le bien. Parce qu'en général, même quand tu n'es pas musulman, même le non-musulman, quand il est dans une grosse épreuve, il dit quoi? Oh my God, oh mon Dieu. Parce qu'il sait que plus personne ne peut l'aider. Il revient vers Allah. Tout le monde revient vers Allah quand il y a des grosses épreuves. Mais quand tu es dans le bien, ah là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Le fait de pouvoir et d'avoir la foi, et d'avoir l'iman, et at-tawakkul, et at-tawhid, l'unicité, ancrée dans son cœur, comme il se doit, ici, pour pouvoir se rappeler d'Allah Azza wa Jal, pendant l'aisance, n'est pas donné à tout le monde. Parce que la personne est plus dans l'insouciance, elle oublie. Et l'insan, il a été créé faible, et l'être humain, il oublie facilement. Donc nous disons, la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des biens, de l'argent, et cet argent-là, il ne les dépense pas dans les choses obligatoire, c'est-à-dire les choses qui lui ont été, d'accord, imposées, ou alors des choses envers lesquelles on doit obligatoirement dépenser, comme az-zakah, l'aumône obligatoire, ou bien az-zawja, l'épouse, on doit obligatoirement dépenser pour l'épouse, ou bien al-awlad, les enfants, on doit obligatoirement dépenser pour les enfants, ou bien al-hajj. On doit obligatoirement dépenser pour aller faire al-hajj, bien sûr si on a les moyens. Donc les choses qui lui sont imposées religieusement parlées par Allah Jalla Jalaluhu dans le Coran al-Karim et par le prophète alayhi salatu wassalam dans la sunna authentique, il s'en détourne, pourtant il a les capacités. Hada huwa al-bakhil. Ça c'est l'avare, wal'iyadu billah, comme on dit les gens de science. Claire, ça c'est l'avare. Et ici, l'avarice, c'est le fruit de ce qu'on appelle al-shuh. Ça, c'est le fruit de shuh. Une personne, avant de tomber dans l'avarice, il est tombé dans shuh. D'accord? L'avidité ou la cupidité. D'accord? Donc la personne, awalan, on va parler de al-bakhil. Al-bakhil, c'est celui qui doit dépenser dans ce qui lui est demandé obligatoirement. Il n'a pas le choix. Et si tu te maries, ton épouse a de l'argent, elle est à l'aise, ou dis même si tu veux, elle est riche. Et le mari, il a juste le minimum pour subvenir à ses besoins et les besoins de sa famille. Vraiment restreint. Mais sa femme est riche. Sa femme, ici, elle n'est pas obligée de dépenser 1 euro pour son mari ou pour ses enfants. Sauf si ça rentre dans une daroura, ils ne peuvent plus manger, c'est un autre cas. Mais de façon générale, elle n'est pas obligée de dépenser. Et le mari n'a pas le droit de lui imposer de dépenser ne serait-ce 1 euro pour le loyer, pour le logement, pour la nourriture, pour les vêtements. Hadala yajuz. Mais le mari, qui est très serré, c'est obligatoire pour lui de dépenser pour sa femme et ses enfants. C'est-à-dire, c'est les droits de l'épouse, comme l'a mentionné le prophète alayhi salatu wassalam, comme a déjà fait sahih, ça fait partie de l'huquq, huquq al-mar'a, les droits de la femme ou plutôt de l'épouse. C'est que tu la nourris, c'est que tu la loge, et c'est que tu la victime. C'est obligatoire, tu n'as pas le choix. Donc ça c'est une réponse à ceux qui disent, parce que c'est devenu une mode dans notre époque malheureusement, avec tous les appels, les mails qu'on a, des femmes qui disent, mon mari m'impose de donner la moitié de l'argent quand il fait les courses. Parce que j'ai de l'argent, j'ai une paye. Mon mari m'impose de payer la moitié du loyer. Mon mari m'impose de payer la moitié, par exemple, des frais concernant les enfants. Mon mari m'a... Ça, c'est une erreur et c'est un égarement dans l'islam. Le mari n'a pas le droit de lui imposer à la femme. Même si la femme a son salaire, tu n'as pas le droit de toucher un centime de son salaire. Mais toi, tu es obligé de la nourrir. Ah, réponse à ceux qui disent, la femme est opprimée en islam. La femme, elle est opprimée en islam. Eh ben, si on parle avec équité et justice, mais je dis, et avec ignorance. Ah, parce que ici, on peut pas dire que l'homme est inéquitable, ou que l'islam est inéquitable. Non, mais avec ignorance. Je parle avec preuve, et avec logique, et avec inéquité, on va dire que c'est qui est opprimé. C'est l'homme ou c'est la femme d'après ce hadith-là, ou d'après les récits prophétiques authentiques, où le prophète nous rappelle ici ce que je viens de dire. On va dire c'est l'homme qui est opprimé. Comment ça? L'homme il est mzaïr, la femme elle est riche, et si elle veut elle dépense rien, et l'homme il est quand même obligé. Ah, donc remettez les choses à leur place. Dites, l'islam avec l'ignorance, hein, je dis avec l'ignorance, parce que ça c'est pas vrai, mais avec votre ignorance, soyez au moins équitable dans votre ignorance et dites, l'islam a opprimé l'homme. L'islam, on va mieux comprendre. On va pas tout à fait comprendre, mais on va mieux comprendre. D'accord? L'islam n'a ni opprimé l'homme, ni opprimé la femme. Claire? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'a pas donné à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla va lui donner des issues favorables, lui donner sa subsistance, son reste, d'où il ne s'attend même pas. T'inquiète pas. Allah ne t'abandonnera pas. Allah Azza wa Jalla, il nourrit et il abreuve celui qui l'insulte, celui qui ne croit pas en lui. Tu crois que celui qui adore Allah Azza wa Jalla sans rien lui associer, Allah va l'oublier? Abadan. Allah, il n'est pas injuste. Donc nous disons, l'islam a fait honneur aux femmes. Et c'est pour ça que nous disons que l'avare, c'est celui qui va dire, je ne veux pas dépenser pour mon épouse. Je ne veux pas dépenser pour mes enfants. Je ne veux pas loger mon épouse. Je ne veux pas dépenser pour aller au hajj. Je ne veux pas dépenser pour donner zakat. Toutes les choses obligatoires, il voudra pas. Ou il aura vraiment, vraiment, vraiment du mal, wal'iyadu billah. Comme au jour d'aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus de femmes se plaignent. Mon mari, c'est un avare. Est-ce que j'ai droit de lui voler de l'argent? Naam, dans certains cas. C'est-à-dire, si une femme est mariée avec un homme, et que son homme ne lui donne pas ses droits, il la nourrit pas, il la loge pas, il la breuve pas comme il se doit, il la vit pas comme il se doit, et il a les moyens. Et pareil pour ses enfants, est-ce qu'elle a le droit, elle a le droit de prendre de l'argent, de son argent sans lui demander l'autorisation? Naam, c'est connu. Le hadith avec qui? Abu Sufyan. Radiallahu anhu wa arda, sa femme qui est venue voir le prophète alayhi salatu wa sallam et qui s'est plaint comme elle a dit à Sahih, et elle a dit à Rasulallah, mon mari c'est un avare. Mon mari c'est un avare. Est-ce que je peux prendre de l'argent ici sans qu'il soit au courant? C'est-à-dire, sans que le prévenir que j'ai pris cet argent parce qu'il veut pas nous donner. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit non, ou il a dit oui? Il a dit oui, mais prends que ce qu'il te faut, ce qui te suffit à toi et tes enfants. Khalas. C'est-à-dire que la femme, nous lui disons, elle va pas rester mourir de faim. Elle va pas rester dormir dehors. Elle va pas rester sans habit. Elle prend ce qu'il lui faut pour manger, pour boire, pour s'habiller, un minimum, elle et ses enfants. C'est son haq. Na'am. Ça, c'est l'islam, ayyuhal ahibba. Après, quelqu'un va nous dire, mais ça, c'est du vol. Ah, donc, l'islam, avec la logique et la mauvaise compréhension, il a encore opprimé qui? L'homme ou la femme? L'homme. Donc, pourquoi ils disent, l'islam a opprimé la femme? Je comprends pas. Même si on suit la logique, c'est illogique. D'accord? Donc il dit, nous disons, ce n'est pas ici une inéquité ou une injustice. Abadan. Parce que c'est l'homme qui a été injuste et l'islam est contre toute oppression. Donc ici, il va arriver un mal à la femme ou aux enfants. Donc à ce moment-là, elle a le droit de prendre son droit. C'est un droit pour elle ou pas? C'est un droit. Elle prend son haq, c'est tout. Mais que, regardez le prophète Hassan, que ce qui suffit, c'est tout. N'abuse pas. C'est pas tu vas prendre pour toi et tes enfants et à côté tu vas mettre pour mettre de l'argent de côté en plus et tu vas... Non, c'est que ce qui te suffit pour toi et tes enfants. Ça, c'est l'adl. Ça, c'est l'islam et ça, c'est l'équité. Et l'islam est contre al-bukhl. Et que dire de al-shuh? Et al-shuh, c'est encore plus grave que al-bukhl. Comme on va le voir bi-idnillahi azza wa jal. Donc, l'avare, c'est celui qui veut pas dépenser pour sa famille, c'est celui qui veut pas dépenser pour ses enfants, pour al-hajj, pour son épouse, etc. et l'islam demande de dépenser pour son épouse, pour ses enfants et pour les choses qui lui sont obligatoires, et en plus de cela d'être, c'est pas que dépenser. Anfiq, khlas. Le prophète alayhi salatu wa sallam t'a ordonné de dépenser, d'être équitable aussi. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit ici, ittaqullahu a'dilu bayna awladikum. Ici, craignez Allah azza wa jalla et soyez équitable entre vos enfants. Donc non seulement tu dois dépenser, c'est une preuve d'équité, et en plus de cela, tu dois être équitable dans ta dépense. Quand tu as deux enfants et tu veux donner quelque chose à un enfant, tu donnes la même chose à l'autre enfant. Ça c'est l'équité. Regardez jusqu'où a été détaillé ici l'équité à travers les récits prophétiques authentiques et dans l'islam de façon générale. C'est ça l'équité. Tu donnes 20 euros à un de tes enfants, tu dois donner combien à un autre enfant? 20 euros. Tu dois être équitable en islam. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla dit wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Et que la haine que vous avez envers des gens ou envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, équitable. D'accord? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ça c'est plus proche de quoi? La piété. Et craignez Allah Azza wa Jalla. Allah sait très bien ce que est parfaitement connaisseur de ce que vous faisiez. Donc ça c'est l'islam. Mais dans certains cas, est-ce que la personne, elle doit se dire tout le temps, si j'achète un jeu à mon fils à 2,50€, il faut que à mon autre enfant, mon autre garçon, mon autre fille, il faut que je trouve un jeu à 2,50€ aussi. Si je trouve 2,55€, je suis pas juste, équitable. C'est quoi la preuve? On me dit non. Moi j'ai apporté une preuve. Ya'dilu bayna awladikum, c'est un ordre. L'équité, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on doit vraiment être un à la lettre ou pas. Il faut parler avec science, avec ahadith, avec versets coraniques, et on ne travaille pas qu'avec un texte en islam. Et celui qui ne connaît pas et n'a pas étudié la sirah du prophète alayhi salatu wassalam, il ne pourra jamais agir avec équité et avec sagesse comme il se doit. C'est pas possible. Parce que tout le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, on va le retrouver où? Dans sa vie. Et Allah a dit, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le message d'Allah un excellent exemple. Est-ce que le fait que quelquefois tu ne donnes pas la même chose à deux personnes, ça veut dire que tu es inéquitable? Eh ben, ça c'est la règle de base. Tu es équitable envers les gens. Mais il y a des fois, tu vas pas donner la même chose envers ou à deux personnes différentes, ou à deux groupes différents. Est-ce que ça fait toi d'une personne inéquitable? Celui qui dit oui, nous disons, tu es un manque de science, et tu es en train de dire que le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam était inéquitable. Plein d'exemples il y a dans la sirah. On prend un exemple. Parmi les nombreux exemples, un exemple connu. Lors de la bataille de Hunayn, le prophète alayhi salatu wassalam a combattu, et ici, avec lui dans l'armée, il y avait des anciens qui avaient déjà vécu des batailles et des batailles, qui avaient de l'expérience avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait parmi eux Al-Ansar, il y avait parmi eux des nouveaux dans l'islam. Ah, des nouveaux. Ils n'avaient pas l'expérience qu'ils avaient les anciens. Ils étaient pas bien ancrés dans la religion comme l'étaient les anciens, Al-Ansar parmi eux. Et quand ils ont combattu le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu qu'il y a des gens qui sont partis. Et Allah subhanahu wa ta'ala parlait d'eux dans le Coran al-Karim. Et il a rappelé qu'ils étaient, trop sur deux. À cette bataille, il y en avait plein qui étaient trop sur deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a vu que ces nouveaux et parmi eux, beaucoup de nouveaux, ont pris la fuite quand ils voyaient que la bataille faisait rage, ils sont partis parce qu'ils étaient nouveaux dans l'islam. Ils étaient faibles de foi au début. Et quand ils sont partis, le prophète Aïssam les rappelait, venez, c'est moi Mohammed ibn Abdullah, venez ici, restez, où vous allez? Imaginez-vous la scène. Et certains sont restés avec eux, parmi eux, les plus anciens et qui? Al-Ansar. C'est l'Ansar qui sont restés avec le prophète. Les nouveaux sont partis. Après la bataille, ils l'ont perdu ou pas? Ils commençaient à perdre la bataille, mais Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus et a envoyé des al-malaïka, des anges. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam les a combattus et a gagné la bataille. Ensuite, il y avait un groupe, les nouveaux, qui étaient partis. Le prophète était là, et les ennemis étaient partis. Et devant le prophète alayhi salatu wassalam, il y avait quoi? Il y avait le butin. Et il y avait beaucoup de butin, il y avait 24 000 chameaux à peu près, il y avait de l'argent, il y avait des captifs, il y avait 40 000 à peu près, 40 000 ovins, il y avait un grand butin. Et le prophète, alayhi afdalus salat wa askat taslim, quand il a vu ici que ces personnes sont parties, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes des traîtres, vous nous avez abandonnés, vous êtes des lâches, vous êtes Ar-Rahmatul Muhda. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله dit dans le Coran, il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui lui a été donné la sagesse lui a été donné certains grands, une grâce immense. Et al-hikma, comme on l'a dit, si on prend la parole d'Ibn Qayyim al-Jawziya, c'est de mettre chaque chose à sa place, c'est-à-dire وَضْعُ الشَّيْءَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي. Mettre ici, c'est quoi? وَضْعُ الشَّيْءَ, faire ce qu'il faut de la manière qu'il faut, au moment où il faut. Le prophète Al-Sumi savait, il voyait, écoutez bien, c'est pas loin, très très très loin. C'est ça les Al-Hukama, les gens sages, ils voient très loin. Et le prophète Al-Sumi, qu'est-ce qu'il a fait? Qui est resté avec lui? On a dit Al-Ansar. Le prophète Al-Sumi, il a appelé qui? Il a appelé les nouveaux. Et il leur a dit, prenez, vous voulez encore? Prenez. Jusqu'à ce qu'il y avait des bédouins, et des gens qui manquaient peut-être quelquefois de comportement, ils étaient nouveaux dans l'islam, ils ont arraché le manteau du prophète Ali Sattu, mais ils lui ont arraché de nous encore de nous. Il disait, mais arrêtez, attendez, calmez-vous, jusqu'à ce qu'on a pris son manteau, on est parti avec. Et il lui a arraché. Il disait, Wallah el Adim, si, ici, tous les palmiers, je les avais en butin, je vous aurais tout donné. Prenez, prenez, prenez. Et les Ansar sont en train de regarder. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Et nous, il leur a rien donné. Alors imaginez-vous. Il a rien donné au Ansar. Et tout le monde y voit 24 000 chameaux, 40 000 ovins ou bovins, et de l'argent, des captifs, prenez, prenez. Mais ceux, c'est les nouveaux, ils sont partis. Nous, on a rien. Et ils regardent le prophète, alayhi salatu wa sallam, comme ça, tous bloqués. Qu'est-ce qui se passe? Et ils prennent. Mais c'est quelque chose, ils prennent. Voilà. Khalas. Ils sont venus voir le prophète, alayhi salatu wa sallam. Je dis, ya Rasulallah. Je dis, ça y est, t'as retrouvé ta tribu, tu nous as abandonnés? Je dis, nous, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi nous on mérite pas nous? Regardez les paroles qu'ils ont dit, on mérite pas. Ils ont été choqués, ils ont eu mal. Vous imaginez? C'est pas, ils ont participé avec lui, ils sont partis, l'ont soutenu dans une da'wa. Non, c'était dans le combat. Et le combat faisait rage. Et ils l'ont soutenu, ils ont risqué leur vie. Et quand ils reviennent, ils voient ceux qui ont pris la fuite. C'est eux qui ont tout. Mais attends, là, quelqu'un va nous dire quoi? Si on regarde ici de façon apparente, on part du principe que c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. On aurait dit tout de suite, c'est quoi? C'est une injustice, inéquité, clair, flagrant. Même on dira à 1000% c'est une injustice. C'est vrai ou pas? On dira, il y a une explication à ça. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il est venu et il leur a parlé. Et il leur a rappelé toutes les qualités qu'ils avaient et il a fait l'éloge des Ansar. Et ensuite, il leur a expliqué pourquoi. Il leur a dit, eux, pourtant, ils ont fait une erreur. Ils sont partis. Ils sont pas restés fermes. Pourtant, ils ont fait une erreur. Et en plus de ça, erreur, et ils leur rajoutent. Ils ont besoin. Il a pas agi avec tout le monde de la même façon. Eux, ils ont besoin. Il leur a dit, eux, on leur a donné ça parce qu'ils sont nouveaux pour gagner leur cœur. Et c'est ça, et comme ça que réagit la personne sage dans l'islam avec les gens nouveaux et faibles de foi, gagnent leur cœur. Même s'ils trompent, ils se trompent, ils glissent, gagnent leur cœur. C'est pas grave. Tu vas avoir le résultat tout de suite, pas tout de suite. Mais tu le verras après, la preuve de cela, rapportée par l'imam muslim. Safwan, radiyallahu anhu wa arda, il a dit, par Allah, la personne que je haïssais le plus sur la surface de la terre, c'était Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il n'a cessé de me donner des parts du butin, le jour où il y a eu Hunayn, jusqu'à ce qu'il... Ah, il n'est pas devenu, non. Tellement qu'il donnait, il redonnait, jusqu'à ce qu'il est devenu la personne que je chérissais le plus sur la surface de la terre. Alayhi salatu wassalam. Est-ce que ici le prophète a bien fait ou pas? Naam. Donc est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a subi ses passions? Non. Est-ce qu'il a agi avec sagesse? Oui. Est-ce qu'il a agi avec équité? Bien sûr. Donc ça veut dire que quand tu donnes pas la même chose à deux personnes ou deux groupes de personnes, ça fait pas toi automatiquement une personne inéquitable. Parce que quelquefois il y a des raisons qui font que tu donnes plus à une personne ou à un groupe de personnes qu'à un autre groupe de personnes. Si tu le fais au nom des passions, ça c'est un égarement. Mais si tu le fais parce qu'il y a une raison, et particulièrement gagner les cœurs, et les gens sont faibles de foi comparés à d'autres personnes, là, à ce moment-là, si tu le fais, sache que tu as une bonne compréhension de la religion, et tu es doté de sagesse, et tu as suivi la sunna, la voie, la méthodologie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, nous disons, quelquefois, le fait de ne pas donner obligatoirement la même chose à deux enfants, ça ne fait pas toi une personne inéquitable. Il peut avoir des raisons comme, par exemple, pour les motiver. un enfant, il fait pas du tout d'efforts. Ce n'est pas, il fait des efforts, mais il n'arrive pas à l'arabe. Non. C'est, il fait pas du tout d'efforts pour apprendre le Coran al-Karim, et l'autre enfant, masha'Allah, il fait beaucoup d'efforts. Tu donnes un cadeau à celui qui fait des efforts, et celui qui ne veut pas du tout apprendre, tu lui donnes pas de cadeau pour l'éduquer. Est-ce que tu es inéquitable? Non. Parce que c'est pour leur bien aux deux. Et il y a une raison, tu n'es pas inéquitable. Ou bien, une fois, ici, toi, tu vois que tu as acheté une chose à un de tes enfants, mais tu n'avais pas d'argent sur toi pour acheter à l'autre, mais par contre tu dis à l'autre enfant, t'inquiète pas, la prochaine fois c'est toi. Et tu lui expliques et ensuite tu lui achètes une autre chose. Est-ce que tu as été inéquitable? Non. Mais ici, pourquoi l'iniquité a été interdite? C'est pour pas causer préjudice à une des deux personnes, ou à une des deux tribus, ou à un des deux groupes. C'est-à-dire tu ne fais pas mal à une des deux personnes. Mais quand, alhamdoulilah, tu ne fais pas de mal, et tu expliques la raison pourquoi tu as donné plus à une personne que l'autre, ou alors à tel moment à une personne, plutôt qu'à une autre, donc à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Donc il faut avoir une bonne compréhension dans la religion et pas suivre ses passions, mais parler avec ilm. Et il y a plusieurs cas. Il y a l'histoire de, ici, le khariji, le premier khariji qu'il y a eu, comme il est relaté. Comme il le dit, Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, quand il a dit, Ya Rasulallah, ittaqillah, crains Allah, il soit juste. Khalid ibn al-Walid, il a sorti son épée, il a dit, Rasulallah, laisse-moi lui couper la tête. Toi, tu dis le prophète, il n'est pas juste. Toi, tu dis le prophète, il n'est pas équitable. Quand il a partagé de l'argent, ici, qui avait été apporté par Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda du Yémen, de l'or. Et quand il a distribué, il a donné, et un des compagnons l'a dit, il y a une personne qui est plus à même à recevoir une part d'argent, ya Rasulallah, parce qu'il est pauvre aussi. Et le, ici, cette personne-là a entendu cette parole, il est parti par le prophète, il a dit, ittaqillah, sois juste, sois équitable. Ali ibn Walid, il a dit, comment ça, quelqu'un, il dit, le prophète n'est pas équitable. Et ici, le prophète, il a dit, laisse-le, tant qu'il fait la prière. Il fait la prière, non, ne tue pas, laisse-le. Et ensuite le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ah, de lui va sortir des gens. Et il a décrit les critères de Al-Khawarij wal-Iyadu Billah. Et certains savants disent que c'est le premier Khawariji Zou Khouaïsara. Ils disent que c'est lui le premier Khawariji, et de lui, de sa descendance, va descendre, va venir des gens, il a décrit le Khawarij, wal-iyadu billah. Donc il y a plusieurs exemples, il faut avoir une bonne compréhension dans la religion. Ala kulli hal, on revient sur le sujet. Al-Bakhil, c'est celui qui ne donne pas, alors qu'il est obligé de donner. C'est un avare. Et il ne comprend pas que plus il est avare, et plus il va s'enfoncer dans la pauvreté. Plus tu es avare, et plus tu vas t'enfoncer dans la, dans le faqr, dans la pauvreté. D'accord? On va voir les preuves de cela. Par la suite, inshallah ta'ala. Revenons maintenant à Al-Shahir. Ah, il y a deux cas. Il y a Al-Bakhil et il y a Al-Shahir. Il y a Al-Bukhl, l'avarice qui est citée dans le Coran Al-Karim, dans plusieurs versets coraniques. Et il y a Al-Shuh, comme dans le verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit, avec une traduction approximative en français, je vous le dirai après, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Azza wa Jalla dit, et quiconque a été protégé, ah, par qui? Par Allah Azza wa Jalla. Wa man yuqa shuhha nafsihi. Celui qui a été protégé, ici, contre sa propre avidité ou cupidité, on va le voir, bi'idnillah Azza wa Jalla. Ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceux-là, ce sont ceux qui réussissent. Al-Shahih, qala al-ulama. Les gens de science, ils parlent de celui-là, qui est Al-Shahih. Ils disent, هو الذي يبخل بما عنده ويطمع في ما عند غيره. C'est celui qui est avare. Écoutez bien, c'est celui qui est avare alors qu'il a de l'argent. Mais il est avare avec cet argent-là, il agit avec avarice, wal iyad billah. Mais plus que cela, il est pire que l'avare lui. Pourquoi? Parce que cette avarice qu'il a, elle est due à quoi? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure al-bukhl. D'accord? C'est un fruit de chouh. Il est passé par un chouh. Avant d'être avare, il est tombé dans l'avidité ou la cupidité. C'est-à-dire, tu désires ardemment d'avoir les biens que possèdent les autres personnes. Tu as soif d'argent. Tu veux toujours avoir de l'argent. Tu souhaites toujours avoir l'argent qu'ont les personnes devant toi ou autour de toi. Les ulama, ils disent, ça ressemble à qui? Al-Hasoud, celui qui est jaloux, al-iyadu billah. Parce que al-Hasad, fil islam, ici c'est quoi? C'est vouloir la disparition des biens ou des bienfaits d'autrui. Allah Azza wa Jalla a donné des biens à ton frère et toi tu veux que ces bienfaits que ton frère a disparaissent. C'est ça la jalousie, al-iyadu billah. Et ça, ayyuhal ahibba, c'est une chose blâmée dans le Coran et dans la Sunna, on en a déjà parlé bi'idhnillah azza wa jal, dans plusieurs sermons et dans plusieurs conférences. Ça, c'est al-hasoud. Et ici, al-shahih, il ressemble à celui-là, le jaloux. Mais ici, il veut toujours, dès qu'il voit son frère, il a de l'argent, il dit, oh, j'aimerais bien avoir cet argent. Il a énormément soif d'argent. Alors que le prophète alayhi sallam disait, comme j'ai fait sahih, Allahumma la aisha illa aishu al-akhirah. Toujours, il nous donnait des paroles, le prophète alayhi sallatu wassalam, pour ici se détacher un peu de cette vie d'ici-bas. Un minimum de cette vie d'ici-bas. D'accord? Donc ici, lui non, il s'accroche à cette vie d'ici-bas. Et même quand il a de l'argent, écoutez bien, il veut encore toujours plus d'argent. Il a soif d'argent, l'argent, wal'iyadu billah. Et à cause de cet argent-là, quand il a de l'argent, il est quoi? Yabkhalu bima inda. Wa yatma'u fima inda ghayrih. Ah, il est quoi? Il est avare avec ce qu'il a. Il va être avare, il va vouloir encore. Il va être avare, il va vouloir encore. Il va être avare, il va vouloir encore. Toujours, toujours, il aura soif d'argent. Il sera même prêt, tellement qu'il a, il aime l'argent, il sera tellement prêt à prendre cet argent, écoutez bien, suivez bien, de manière illicite. Et ça, ça fait partie de Asharatu Sa'a. Comme on a vu ça dans les cours précédents, il viendra une époque où le prophète alayhi salam a dit, la personne ne fera même plus attention, d'accord? Est-ce que l'argent qu'il a, il est halal ou il est haram? Peu importe. Et ici, les gens en général, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder l'entourage. Ah, la majeure partie des gens. Mais la majeure partie des gens le font. Donc il n'y a pas de mal. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. Hein? Qu'est-ce qu'il dit Allah azza wa jalla sur la majeure partie des gens? La majorité. Wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Pourtant Allah il a dit. Si tu obéis à la majeure partie des gens, la majorité des gens, on parle pas des musulmans, des gens sur la surface de la terre, certes, ils t'égareront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tellement que les gens sont noyés dans l'ignorance et le fait de savoir et de faire attention d'où vient leur argent, donc il y aura beaucoup de gens qui vont suivre cette maladie-là et cette habitude mauvaise, ils vont même pas faire attention, mon argent il est halal ou il est haram, peu importe. Et ça, ayyuhal ahibba, ça c'est celui qui est tombé en général dans ash-shuh. C'est-à-dire il est avide, il est cupide, il aime l'argent, il veut toujours, il a soif. Et tellement qu'il a soif, peu importe, il le prend d'une façon halal ou bien haram. Et même certains seront prêts à tuer. Et ça, ash-shuh, c'est une des causes parmi les causes de la destruction des sociétés. Ad-dalilu ala dhalik. La preuve de cela. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, dans le hadith rapporté par Muslim, ittaqu dhulm, craignez l'injustice, suivez bien, ittaqu dhulm, fa inna dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah, car l'injustice sera ténèbre au jour de la résurrection, rapporté par Muslim. Regardez les recommandations prophétiques, attention à l'injustice. Tout le monde peut faire de l'injustice, c'est pas que le gouverneur envers le peuple, non. Toi, tu peux faire de l'injustice à un frère, une sœur envers un frère envers une sœur, le mari envers sa femme, la femme envers son mari, les enfants envers les parents. Attention à l'injustice. L'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? وَاتَّقُوا الشُّحْ فَإِنَّ الشُّحْحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Et craignez الشُّحْ. Ah, on a dit c'est quoi الشُّحْ? C'est pas l'avarice simplement, c'est pire. C'est quoi? C'est le fait de vouloir tellement, tellement et aimer tellement l'argent jusqu'à tu arrives à un stade où, peu importe comment tu aies cet argent-là, et tu envies toujours les gens parce qu'ils ont de l'argent. Et quand tu auras cet argent, tellement que tu aimes cet argent-là, ah, tu l'as tellement aimé que quand tu l'as entre les mains, vas-y pour le tirer entre tes mains. Ah, tu deviens avare. Ça y est, tu deviens avare. Et là est la différence claire بين البخل والشح. بين البخيل والشحيح. Ça, c'est la différence claire entre al-bakhil wa al-shahih. Et pas faire et comprendre les choses comme certains ignorants en disant al-bukhl yashuh, c'est l'avarice. Abadan. Grande différence ici. On continue. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit ensuite, et craignez l'avarice, car l'avarice, mais plutôt on va dire, l'avidité, ash-shuh, on a compris ce que c'était. Car ici, elle a fait périr ceux qui étaient avant vous. Donc, ça détruit. Ça fait périr les gens, ash-shuh wal iyadu billah. Ça fait périr les gens. Le prophète alayhi salam a dit, ça a détruit les gens qui étaient avant vous. Et elle a poussé à verser leur sang et jugé licite de s'en prendre à l'honneur ou au bien de leurs proches. Ça les a poussés à quoi? À verser le sang. et a jugé licite, tellement qu'ils voulaient cet argent-là, l'honneur ici et les biens de leurs proches. Donc ils pouvaient voler l'argent, ils pouvaient toucher à l'honneur, ils pouvaient verser le sang juste pour avoir quoi de l'argent. À cause de quoi? Ash-shuh, la cupidité, l'avidité, la soif d'avoir de l'argent, peu importe de quelle façon. Et ça, yu al-ahibba, c'est une maladie qui nous a touchés au jour d'aujourd'hui. C'est quoi? On prend un exemple concret. Parce qu'il faut parler ici en regardant le contexte dans lequel on vit pour que les gens comprennent bien et pour bien le mettre en application. Ah, on a dit au début du cours, ce qui fait partie de Ashratu sa'a kama fi sahih al-Bukhari, yataqarabu az-zaman, et ensuite le prophète Ali a dit quoi? Wa yanqusu al-amal. Ah, les œuvres vont diminuer. Pour pas qu'on soit parmi les personnes qui écoutent, qui disent et qui n'appliquent pas, ah, on fait bien comprendre aux gens, d'accord, qu'est-ce que c'est que shuh, et qu'est-ce qui fait partie de ash-shuh à notre époque actuelle, par exemple. Exemple. Une personne, là-bas, c'est allé, alhamdoulilah, il a de l'argent, il est à l'aise, etc. Et il va profiter de l'argent qui lui a été donné, d'accord, alors que cet argent, il ne le mérite pas. Mais cet argent-là, on lui a donné parce qu'on pensait qu'il le méritait. Parce qu'on pensait qu'il était pauvre. Suivez bien avec moi. Après, donnez-moi la réponse. On pensait qu'il était pauvre. Donc, on lui a dit, tiens, une somme d'argent. Et lui, il a caché le fait qu'il n'est pas pauvre. Et que là, bah, ça allait, il va bien. Tu rentres chez lui, tu vois, mashallah, vie de luxe. Tu vois, il part toujours en vacances. Il vit bien, il a de l'argent. Et il garde cet argent-là à côté. Mais en plus, à côté de ça, il dit, non, donnez-moi cet argent-là. Il ressemble à qui, cette personne-là? Personne. À qui? À Shahih ou pas? Oui ou pas? Vous n'êtes pas convaincu? C'est clair, subhanallah. Toi, tu as de l'argent, tu vis bien, et on te donne de l'argent sous condition que tu n'as pas d'argent. Donc toi, tu mens, tu fais comme si tu n'avais pas d'argent, mais tu as de l'argent et tu mens. Ah, tu es prêt à quoi? À mentir. Pour avoir quoi? Encore de l'argent. Parce que tu aimes de l'argent. Ah, donc tu es prêt à faire des choses, qu'est-ce qu'on a dit? Illicite pour avoir de l'argent. Ça, c'est pas chouh, ça. Si ça, c'est pas chouh, c'est quoi chouh? Donc quelqu'un qui a des aides sociales, et on va lui donner en considérant qu'il est pauvre, d'accord? Et on va dire, celui-là, il mérite d'avoir de l'argent parce qu'il est considéré comme pauvre. Et ce n'est pas, il a un peu d'argent à côté. C'est-à-dire même, avec l'argent qu'il a à côté et avec l'argent qu'on lui donne, il arrive à peine à finir le mois, c'est juste. Non. Et il vit bien, là, ben ça allait. Mais à côté, il continue de mentir parce que, ah, il utilise des voies illicites pour avoir des aides. Ça, c'est ash-shahih. Wal-iyadu billah. Il aime tellement l'argent. Ah, il est encadré par l'autre hadith qu'on avait vu dans les cours précédents où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il viendra une époque où les gens ne feront même plus attention. Est-ce que l'argent qu'ils ont, il est halal ou il est haram? Peu importe. Bref, je veux de l'argent. Ammar, ammar, ammar. On est d'accord ou pas? On a montré les preuves ou pas? Claire. On donne le deuxième cas. On a dit al-bakhil, c'est qui? C'est celui qui a de l'argent, d'accord? C'est celui qui a de l'argent, walakin yabkhulu bima inda. Ici, il ne veut pas yabkhulu bima inda, il ne veut pas dépenser cet argent dans ce qui est obligatoire. C'est-à-dire, il doit dépenser obligatoirement pour des choses et il ne veut pas les dépenser. Ça c'est le bakhil, tout simplement. On est d'accord, ça c'est le bakhil. Mais la personne qui ne veut pas dépenser, d'accord, cet argent dans les choses obligatoires. Mais en plus de cela, il dit, je ne veux pas dépenser dans ces choses obligatoires, et il ne cesse d'accumuler de l'argent encore à côté. Il dit, parce que sinon je vais perdre cet argent, j'aurai moins d'argent, bien que je peux, mais j'aurai moins d'argent et j'en veux encore de l'argent. Là, il devient, parmi, il est tombé dans le choix. Quelqu'un qui, par exemple, il a des dettes. Rembourser les dettes, j'ai fait tout un serment. C'est clair? Donc, on a bien décrit, qu'est-ce qu'avait dit Allah et le prophète alayhi salatu wasalam sur le fait d'avoir des dettes et de ne pas faire les courses pour rembourser les dettes? On est d'accord. Donc la personne qui a des dettes et il a les moyens de rembourser, est-ce qu'il est obligatoire pour lui de rembourser ses dettes? C'est obligatoire. Le prophète alayhi salam a dit, l'âme de l'endetté reste suspendue à ses dettes. Wal-iyadu billah. Ce n'est pas un jeu. Donc ici, il est obligé pour lui de rembourser. Non, lui il dit, j'ai l'argent pour rembourser, walakin, je veux pas rembourser sinon... Je sais que j'ai de l'argent encore pour vivre, mais j'aurai plus cet argent et non, je préfère pas rembourser maintenant parce que j'aime bien avoir de l'argent dans mes poches. Et à côté, il fait les courses pour avoir encore de l'argent. Et il aime l'argent encore, et il veut un mois encore. Et il a de plus en plus d'argent, il peut rembourser. C'est-à-dire, il a les capacités de rembourser, mais non, lui, il préfère accumuler l'argent. Fawarab bil Ka'ba, c'était une personne qui était tombée dans le bukhl. Et avec cet excès-là, l'amour de l'argent et d'avoir de l'argent entre les mains, il est tombé dans quoi? Dans chouf, wal'iyadhu billah. Et ici, certes, il est parmi les perdants. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Azza wa Jal, il a parlé de ceux qui ont été protégés par Allah Azza wa Jal contre leur propre avidité. Ceux-là, ce sont ceux qui ont réussi. Donc les autres, ils ont perdu, wal'iyadhu billah. En plus de cela, vous croyez qu'il a gagné quoi? Le fait d'avoir gagné de l'argent, ou alors on avait dit quoi? Le principal, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est le fait d'avoir quoi? Al-baraka, la bénédiction dans l'argent. Al-baraka dans le temps. Al-baraka dans notre da'wah. Al-baraka, c'est ce qui nous importe le plus. Mais il n'y aura pas de baraka. L'épreuve de cela, la personne qui ne dépense pas, je ne dis même pas qu'il ne dépense pas pour des choses obligatoires, pour des choses surérogatoires. Regardez ce que le prophète alayhi salatu wasalam dit lui. Que dire de la personne qui ne dépense pas pour des choses obligatoires? Dette, zakat, sa femme, ses enfants, etc. Que dire de lui? Le prophète alayhi salatu wasalam, il dit. Tous les matins, chaque matin, Allah Azza wa Jal, il envoie malakan, deux anges. Et ils disent, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa a'ti mumsikan talafa. Le prophète alayhi salatu wasalam, il dit que les deux anges, chaque matin, ils disent, ils font une invocation. Ils disent, Ya Allah, a'ti munfiqan khalafa. Augmente, récompense celui qui va donner de l'aumône. Ah, celui qui va dépenser. Ya Allah, augmente, récompense-le. Tous les matins. Et ça, c'est les aumônes surrogatoires. Allah al-Musta'an, celui qui ne donne pas ce qui est obligatoire. Et il dit, Allahumma a'ti mumsikan. Ah, celui qui retient, talafa. Ruine. Apporte-lui la ruine. Apporte-lui la perte. À celui qui quoi? Qui retient. Ah, qui retient son argent. Il perdra ici-bas et dans le delà. Et plus il va être avare, moins il y aura de baraka dans son argent et dans sa vie. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran Al-Karim, et il parle de ceux qui donnent, et il parle de ceux qui retiennent. Ici, les dépenses, ou plutôt leur argent, avec avarice, ou bien avec avidité. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui donne, il donne, c'est-à-dire il dépense. Ah, il dépense celui-là, il dépense et il craint Allah Azza wa Jal. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى قَوْلُ الرَّاجِحِ, c'est-à-dire qu'il reconnaît véridique, c'est-à-dire le paradis, le jardin, le paradis, Al-Jannah. Il croit fermement au paradis. Ici, Allah Azza wa Jal dit quoi? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah va lui faciliter la voie au bien. Ça va être facile. Toute chose va être facilitée pour lui. وَلِمَا لَا وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَةَ. Allah Azza wa Jal anéantit les intérêts usuraires, mais par contre il fait fructifier quoi? Les aumônes. Et il y a plein de versets coraniques qui parlent du fait de quoi? Celui qui dépense de son argent, khalas, Allah va lui augmenter son argent. En plus de ça, Allah dit dans un verset coranique, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Il n'y a ni peur pour eux, ils ne seront pas attristés. Ceux qui dépensent de leur argent, de nuit comme de jour, ouvertement ou bien de façon cachée. Ah, nulle peur et nul, ils ne seront pas apeurés et ni attristés. Ça y est, khalas, Allah Azza wa Jalla le garantit. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de qui? Il dit, ensuite, c'est quoi le verset coranique? فَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَ وَفَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُ. Oh, Allah, il facilite toujours, na'am. Celui qui agit avec avarice, d'accord? Et il agit avec avarice aussi, il se détourne des préceptes religieux, d'accord? Et Allah Azza wa Jalla dit, il dément, il ne croit pas en quoi? Au paradis. Il ne rend pas véridique ici le paradis. Il se détourne de cette croyance et de cette certitude en l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, non seulement Allah, na'am, il va lui faciliter, mais quoi? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ah, on va lui faciliter la voie à la difficulté. Celui qui retient et qui craint Allah Azza wa Jal. Celui qui retient plutôt et qui se détourne des actes d'adoration, celui-là, Allah va lui faciliter la voie de difficulté. Celui qui donne et qui craint Allah Azza wa Jal et qui reconnaît véridique Al-Jannah, Allah va lui faciliter la voie du bien. Les choses vont se faciliter pour lui. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Donc pourquoi être avare? De plus, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, comme il dit dans le sahih, ma naqasat sadaqatun min mali. C'est une parole du prophète alayhi salatu wa sallam, huwa alladhi la yantiqu 'anil hawa. Aucune aumône ne fait diminuer quoi que ce soit dans ta richesse. Bien au contraire, Allah Azza wa Jal va te rajouter des biens. Plus tu donnes, plus Allah va rajouter des biens. Il va te rajouter de l'argent. Il va te rajouter al-baraka dans tes biens. Plus tu donnes et plus tu te vois et tu es avare ou tu tombes dans le chaud, et wallahi al-adim, tu vas t'être noyé et tu vas tomber dans un égarement et tu vas te voir faire faciliter la voie à la difficulté par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a promis dans le Coran al-Karim. Et c'est pour ça que le prophète alayhi sallam a dit wattaqu shur, craignez la difficulté, craignez, il faut la craindre. Et c'est pour ça qu'on voit les gens souvent qui sont riches ou qui ont beaucoup d'argent, c'est vrai ou pas, ça existe, plus ils ont de l'argent, plus t'entends, il est avare. Même la personne, elle se laisse même lui-même. Il veut même plus s'acheter des beaux habits, il veut même plus, il arrête pas d'être de plus en plus avare, plus il a de l'argent, al-iyadu billah. Alors que la personne qui, alhamdulillah, a confiance en Allah azza wa jal, il donne. Et particulièrement sur les choses qui sont obligatoires à donner. Il veut toujours être clean envers les gens et avant tout envers Allah Azza wa Jal. Il doit rien à personne. Et en plus, il donne des aumônes surérogatoires. Tu verras, il sera toujours, alhamdulillah, tout va bien pour lui. Car il y aura le baraka dans sa vie, dans son argent. Allah lui aura facilité la voie au bien. Allah lui aura facilité la voie au bien. Donc ici, si vous voyez des gens qui sont avares et des gens qui sont avides ou qui sont tombés dans ici ce qu'on appelle ash-shuh, sachez que ceci fait partie des signes de la fin des temps. Wal'iyadu billah. Donc, ça c'était des recommandations à moi, le premier ainsi qu'à vous. Et bihawlillahi azza wa jal. La semaine prochaine, on continuera avec des autres petits signes de la fin des temps. Bi'idnillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.